Il est important, Bernard, il est important, parce qu'à moins qu'on ait tout compris de Bernard, on va être dur à fourrer, pas à peu près. Dans quel sens? Dans le sens que même lui serait plus capable. Ben, dans un sens, déjà dans ses enregistrements, il disait qu'il ne se croit même pas. Il disait que c'était tellement important de ne pas croire qu'il ne croit même pas ce qu'il dit. Ben Il a oui, puis déjà là, au dit ça en niveau. enregistrement. Là, comme il y en a qui m'avait sorti ça en commentaire, puis j'étais choqué sur le coup, mais après, je l'ai vu que c'était intelligent. Puis là, au niveau de la psychologie inversée, ça lui donne la crédibilité, puis on est porté à croire ce qu'il dit, parce qu'il dit, croyez-moi pas. Puis, je crois même pas, moi, ce que je dis, tellement je suis intelligent. Tu sais, au niveau de comment ça fuck la perception de quelqu'un qui est en annihilation, là, je te dis que tu perds tes repères quelque part, au niveau de ta façon d'évaluer le discours de quelqu'un, puis la cohérence. D'un discours. Parce que là, avec Bernard, on quitte complètement les balises de l'intellect comme on le connaît, puis Oui. on arrive dans des. Là, ça devient dangereux. Parce que là, on tombe dans des terrains que c'est même pas balisé encore. Parce que là, tu t'en vas quasiment entre les plans de la conscience, là. Puis c'est là que c'est encore plus dangereux, puis c'est peut-être là qu'il y a les pires. Fait que moi, c'est pour ça que, jusqu'à un certain point, c'est pas même, il y a bien des affaires comme dans les dernières années que j'ai su prévoir d'avance, je le sentais comme. Mais le fait, moi, d'avoir, à un moment donné, descendu Bernard de son piédestal, de dire, ça va faire, là, on est comme en transe, là, ça, à un moment donné, ça m'a pas coupé de ma sensibilité. Au contraire. Mais je le sens qu'il y en a, ça veut faire peur, ça. Ça leur prend une figure, ça leur prend une affaire. Même moi, il faut pas que je fasse ça, je veux pas.